Cher auditeur, d'ici vous parle le podcast Créateur. Et toutes les semaines, je citerai un post qui aura la duration de toute la semaine. Le post cette semaine s'appelle « La mort et l'immortalité » que je passerai à citer. Ainsi comme on entre dans la vie de la terre tout en venant de rien, ainsi aussi on entre dans la vie du ciel en venant de rien, dont on devient. Après la mort pour la terre, en passant de l'acte de la non-existence jusqu'à l'acte de l'existence. En toutes les situations, on va du rien vers le tout, ou en venant de l'expérience de la vie antérieure à la vie réelle dans la terre, pour la vie dans la terre ou en allant pour la vie dans le ciel. Le chemin s'est fait toujours dans le même sens. Cela de la non-existence ou cela de la vie, parce qu'un mourant pour la vie dans la terre, on passe pour la non-existence pour acheminer pour le chemin de la non-existence à nouveau pour cela de la vie. Toujours qu'on meurt, on reste prêt pour naître à nouveau. Et c'est un mourant dans la vie terrain qu'on nous prépare pour la nouvelle vie au dehors de la terre, que c'est dans le ciel. C'est avec la même préparation qu'on acquiert dans la terre pour recommencer toujours tout à nouveau après la mort pour la terre. Et c'est la fin du poste de 10 août 2016. Vous pouvez visiter aussi les deux blogs que j'ai, un dans le blog intitulé « Au Créateur éterne », écrit en français aussi, et d'autres dans le Facebook intitulé « Au Créateur éterne du Verbe », écrit en français également. Et maintenant, je vous laisse avec musique classique dans laquelle vous irez écouter Arcangelo Corelli, Concerto Grosso per la Notte di Natale, opus 6, number 8.